ciel est noir, la nuit est belle. La nuit est blanche, y'a des étoiles. Dis-moi les pas si je te dérange. Justice, je vois de la misère.